Une affaire de faux par Thomas Lely Mead. L'étude du caractère humain dans ses multiples manifestations a toujours offert aux médecins le plus grand intérêt. Par une longue pratique, il devient extrêmement habile à déchiffrer ses nombreux malades et certains caractères lui apparaissent comme les pages d'un livre ouvert. Les espérances, les craintes, les douleurs, tous les mobiles influençant l'âme humaine sont mis à nu devant lui, au moment même où le malade s'imagine expliquer simplement quelques souffrances physiques. Les médecins croient fermement à l'action de l'esprit sur le corps et ne peuvent que faiblement soulager le malade jusqu'à ce qu'ils aient discerné sa préoccupation dominante et les causes réelles qui dirigent sa vie. Dans le dessein de poursuivre cette étude qui absorbe une bonne part de ma vie, j'ai souvent fréquenté des milieux entièrement étrangers à ceux où s'exerce ma profession. Et cela, dans l'espoir d'acquérir des vues nouvelles sur le travail compliqué de l'esprit humain. Il y a peu de temps, profitant d'un jour de loisir, j'entrais au palais de justice, tandis qu'on plaidait une cause sensationnelle. Le cas qui était soumis au juge, savant conseiller et aux 12 intelligents membres du jury anglais, sollicitait au plus haut point ma perspicacité professionnelle. L'homme, assis au banc des accusés, appartenait tant par son aspect que par sa naissance, à la meilleure société. C'était un jeune homme de bonne mine, dont la physionomie reflétait la plus vive intelligence. Son regard était franc, sa bouche ferme, la mâchoire dénotait une obstination et une ténacité de bulldog. Je lui donnais 28 ans environ, quoique l'anxiété résultant de sa cruelle position eût déjà autour des tempes fait grisonner ses cheveux. Il se nommait Édouard Bayard, poursuivi pour faux. Il était accusé d'avoir fabriqué un chèque de 5 000 livres et les présomptions contre lui m'apparurent dès l'abord des plus fortes. J'écoutais la vile plaidoirie de son avocat tout en étudiant l'attitude du prisonnier. Les mains posées sur le dossier de bois, il regardait fixement devant lui sans laisser paraître ni honte ni confusion. L'intelligence en éveil, il suivait passionnément les arguments de son défenseur. Je remarquai aussi qu'une fois ou deux, il se mordit les lèvres et qu'un sourire de satisfaction se dessina sur ses lèvres serrées, tandis qu'on abordait la discussion d'un point délicat. Le procureur se leva ensuite et se mit à démolir les arguments de la défense. Le cas parut grave pour l'accusé, bien qu'il ne changeât point de position et demeura parfaitement calme et maître de lui. Le jugement ne fut point rendu ce jour-là. Je m'en allais, si vivement intéressé que je résolus à tout hasard de revenir au palais l'après-midi suivant, ce que je fis. L'affaire Édouard Bayard occupa encore 2 heures. À la fin, le jury rapporta un verdict affirmatif et l'accusé fut condamné à 5 ans de travaux forcés. Je l'examinai tandis qu'on prononçait la sentence. Il suivit son gardien, les épaules soudain affaissées. Ma conviction profonde fut qu'il était innocent. Mais qui pouvais-je ? Un jury formé de ses concitoyens l'avait déclaré coupable. Il suivait la carrière diplomatique et jusqu'alors sa vie avait été irréprochable. Maintenant son avenir était brisé. Il était moralement avili, perdu, disparu. Il perdait tout droit à la place qu'il occupait dans le monde. Il pourrait survivre à la sentence, vivre jusqu'à devenir un vieillard. Sa vie n'en était pas moins finie, privée de projets et d'espoir. Je ne suis point sensible. Pourtant, je restais toute la journée en proie à un indéfinissable sentiment de mécontentement. Je regrettais presque de n'avoir point suivi la carrière du droit plutôt que celle de la médecine afin d'avoir la chance d'éclaircir l'affaire Bayard. À mon club, le soir, quelqu'un de mes amis fit tomber la conversation sur ce sujet. « C'est tout de même une étrange histoire, » dit-il. Chacun sait que Levazan, l'auteur de la plainte, aime une jeune fille à laquelle Bayard était fiancé. « Vraiment ? » répondis-je, « je ne connais rien de la vie privée de Bayard. » « Jusqu'à cette aventure, » continua Tisdale, le connaissant depuis des années, « je lui aurais confié un trésor sans même le compter. Mais les faits étaient si évidents, les preuves contre lui si accablantes, qu'il n'avait pas l'ombre d'une chance d'être acquitté, bien que, je le répète, il fut le dernier homme que j'eusse cru capable d'un acte de cette espèce. » J'étais, fis-je, présent au jugement. J'ai suivi attentivement la cause. Néanmoins, j'aimerais entendre de nouveau exposer brièvement, si cela est possible. Le roman en tiendrait dans une coquille de noisettes, dit Tesdale avec son habituel piquant. Leveson, l'accusateur, est assez gentiment riche. Il possède une maison dans Piccadilly où il vit avec sa sœur. Il est de plus tuteur d'une très jolie fille à lui confiée par la chancellerie. Elle se nomme Lady Kathleen Church et habite depuis 2 ans déjà avec Leveson et sa sœur. Elle n'a que 19 ans et le bruit courait depuis quelque temps parmi les connaissances de Leveson qu'il souhaitait faire sa femme de la belle héritière. Celle-ci, gracieuse au possible et devant hériter à sa majorité d'une fortune considérable, est naturellement désirable à tout point de vue. Lady Kathleen fit la connaissance de Bayard dans une maison amie. Ils s'aimèrent et se fiancèrent. Bayard débutait dans la diplomatie. Il était loin d'être riche, mais faisait concevoir de légitimes espérances. Il n'y avait aucune objection sérieuse à élever contre cet engagement, et Francis Leveson n'en tenta aucune. Il se lia avec le jeune homme, on les vit constamment ensemble, les fiançailles furent annoncées officiellement, bien que le mariage dût être célébré seulement à la majorité de Lady Kathleen. Un beau matin, on découvrit que le compte en banque de Bayard s'était accru de 5 000 livres, tandis que celui de Leveson diminuait d'autant. Un chèque de pareille somme, portant la signature de Leveson, avait été présenté par Bayard à la banque du premier. Naturellement, le chèque était faux. Bayard fut poursuivi, arrêté et déclaré coupable. Vous avez certainement entendu au palais sa version. Leveson, qui est membre du Parlement, un secrétaire. Bayard avait des embarras d'argent. Il déclara que le chèque lui fut remis par M. Franks, le secrétaire. N'apportant aucun témoignage à l'appui de cette histoire, l'accusé dut, comme vous le savez, aller expier son crime aux travaux forcés. Moi, je ne puis que répéter ceci, c'est bien le dernier homme dont j'eusse eu pareil soupçon. Nous pensions tous de même avant le jugement, appuya un auditeur. Indiscutablement, l'histoire est étrange, répondis-je. J'ai pesé attentivement le pour et le contre, et quoique le verdict soit bien celui qu'on devait attendre en pareille circonstance, mon inébranlable conviction est que Bayard n'a point commis ce faux. Alors, comment expliquez-vous les choses ? Je voudrais pouvoir le faire. Il y a là-dessous un mystère dont nous ignorons tout. Je crois à l'innocence de Bayard, mais sans autre motif que ma connaissance des caractères basée sur une longue expérience. Bayard n'est point de cette espèce d'homme qui, sous le fait des circonstances, s'avilie à commettre un crime. Cela répugnerait à sa nature. Bref, je le crois innocent. Mes paroles frappèrent évidemment Tisdale. Il me considéra attentivement. Il est étrange que vous, particulièrement Halifax, fassiez une telle remarque. Vous devez savoir que le caractère compte pour peu dans les moments de forte tentation. On a établi que Bayard avait besoin d'argent. Le secrétaire Franks ne pouvait avoir aucun motif de soutenir un mensonge. Donc je ne puis partager votre opinion. J'en suis fâché pour le pauvre garçon, mais j'eusse répondu comme le jury. Qu'est-il advenu de Lady Kathleen ? Demandai-je après une pause. Parbleu ! Le mariage a été rompu. On dit que la jeune fille en a le cœur brisé. Elle était toute à Bayard. Je crois que Miss Leveson lui a fait quitter Londres. Je ne dis rien de plus, et une année se passa sans que j'entendisse prononcer le nom de Bayard. Traversant un jour Piccadilly, je croisai Tisdale. Il s'arrêta pour causer une minute et, comme nous nous séparions, se retourna et me dit « À propos, votre visage me rappelle quelque chose. Ah, j'y suis. La dernière fois que je vous vis, vous reveniez du procès de ce pauvre Bayard. Eh bien, voici les dernières nouvelles. Lady Kathleen est fiancée à Francis Leveson. Ceci est officiel. Ils seront mariés d'ici un mois. Les noces sont un des gros événements de la saison. » Pauvre Bayard, telle fut ma seule exclamation. Je quittai Tisdale après avoir encore échangé 2 ou 3 paroles et couru à mes affaires. Une semaine plus tard, 2 dames furent introduites dans mon cabinet de consultation. L'une, la plus âgée, avait une sorte de visage mince, d'expression presque masculine, de sombres yeux rusés, à peine ouverts, et des lèvres serrées. Elle était habillée à la dernière mode et portait une voilette à pois entièrement baissée. Ses manières étaient raides et prétentieuses. Elle salua et prit sans parler la chaise que je lui offrais. Je me retournai pour regarder sa compagne. Mon autre visiteuse était une jeune fille. En bonne santé, elle aurait été belle, mais sa figure était maigre et ses traits tirés. Elle avait de grands yeux bruns et une de ces physionomies distinguées qui se rattachent au plus beau type de la Grande-Bretagne. Bien portante, elle devait probablement avoir le teint brillant, mais à ce moment elle était effroyablement pâle. Sa face était émaciée et un grand cerne noir entourait ses yeux. L'examinant de plus près, j'en vins rapidement à cette conclusion que son état de santé avait pour cause une douleur morale. La mélancolie de ses beaux yeux était infinie. Je lui avançai un siège, elle s'y affaissa sans un mot. « Je me nomme Mrs. Leveson, » dit la plus âgée. « Docteur Halifax, j'ai amené ma pupille Lady Kathleen Church pour vous consulter. » Involontairement, je répétai ce nom. Je savais maintenant ce qu'était cette jeune fille, l'ancienne fiancée de Bayard, actuellement promise à Francis Leveson. Était-ce là l'explication de cette dépression nerveuse dont elle souffrait évidemment? « Quels symptômes présente Lady Kathleen ?» demandai-je après un silence. « Elle ne mange ni ne dort. Son attitude est bizarre. Elle fait tout ce qu'elle peut pour ruiner sa santé, » dit la vieille dame d'un ton rêche. « En un mot, elle se montre si enfant, si niaise et nerveuse, que plus vite un médecin la soignera, mieux cela vaudra. »« De quoi vous plaignez-vous » fis-je en me tournant vers la malade. « Je suis dégoûté de la vie, » dit-elle. « Je suis content d'être malade et ne souhaite nullement guérir. » Les nerfs sont la cause de tout, observa Miss Leveson. Jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas une jeune fille mieux portante que Lady Kathleen. Elle jouissait d'une santé magnifique. Son caractère était enjoué. Puis elle commença à changer. Je sais qu'elle eut une légère déception, mais telle que la jeune fille la plus sensible eût aisément surmontée. Je l'ai emmenée à la campagne, faisant tout ce qui était en mon pouvoir. Elle reprit un peu. Maintenant, la voici fiancée à mon frère, qui lui est profondément attaché. Ils seront mariés dans un mois. Si jeune fille au monde doit aimer la vie et sourire à l'avenir, c'est bien celle-ci. La mauvaise santé empêche de se réjouir de quoi que ce soit, répondis-je d'un ton énigmatique, et j'ajoutai, me tournant vers la malade, ne me direz-vous rien d'autre touchant ce que vous ressentez? J'ai perdu le sommeil, répondit-elle, et aussi l'appétit. Je suis très malheureuse, rien ne m'intéresse, j'aime mieux mourir. Voici une façon de parler absolument sotte et qui dénote bien de peu de jugement. « Kathleen, » dit la vieille dame d'un ton de désapprobation marqué. « Excusez-moi, » dis-je, me tournant vers Miss Leveson, « mais j'aimerais questionner Lady Kathleen sans être interrompue. » Elle rougit. « Oh, certes, » fit-elle, « je comprends que je n'aurais pas dû parler. J'espère sincèrement, docteur Halifax, que vous éclaircirez cet extraordinaire état de choses et que vous rendrez son bon sens à ma pupille. Puis-je vous dire quelques mots en particulier ?» demanda soudain la jeune fille, levant les yeux et les fixant sur les miens. « Si vous le souhaitez, » répondis-je. « Il serait peut-être préférable, Miss Leveson, de me permettre d'écouter quelques instants Miss Kathleen livrée à elle-même. » J'ajoutai, en baissant la voix. « En pareil cas, la malade montre toujours plus de confiance quand il est entièrement seul avec le médecin. « Comme il vous plaira. Mais pour l'amour du ciel, ne vous prêtez pas à ces sottises. » Je sonnai et fit conduire Miss Leveson dans le salon d'attente. Dès que nous fûmes seuls, les manières de Lady Kathleen changèrent complètement. Son indifférence disparut, elle devint animée et même surexcitée. « Je suis contente qu'elle soit sortie, » dit-elle. « Je n'espérais point l'y voir consentir. À présent, docteur Halifax, je vais vous confesser la vérité. J'ai prié Miss Leveson de m'amener à vous, sous prétexte que vous pourriez me guérir, mais en réalité, mon désir d'avoir un entretien avec vous est tout à fait étranger à ma maladie. « Que signifie ceci ? » demandai-je étonné. « Je vais m'expliquer, je pense, » répondit-elle. « Vous connaissez M. Tisdale, n'est-ce pas ? » Tisdale est un de mes bons amis. Il vint à la maison, la semaine dernière, et je restai un instant seul avec lui. Il devina que j'étais malheureuse, qu'un grand chagrin me tuait. Il fut affectueux et bon. Il me parla de vous, dont je connaissais tout juste le nom, et me dit quelque chose à votre propos qui depuis m'a fait penser à vous jour et nuit. « Il faut vous expliquer, » dis-je, quand elle s'arrêta. « Vous avez dit, docteur ?» Elle s'arrêta encore et parut avaler avec difficulté sa salive. « Vous avez dit que vous croyez à l'innocence d'Edouard Bayard. « J'y crois, ma chère enfant, » répliquai-je avec solennité. « Dieu vous bénisse pour ces mots, » Vous comprenez à présent quel lien est entre nous, car nous sommes les seuls êtres au monde qui croient en lui. » Je ne répondis pas. Les yeux de Lady Kathleen se remplirent de larmes. Elle tira son mouchoir et les sécha rapidement. « Vous devinez maintenant, » continua-t-elle, « pourquoi j'ai désiré vous voir et vous parler. Je sentais que vous compatiriez à ma peine. Il est vrai que je suis malade, mais c'est uniquement parce que le moral agit sur le physique. Je ne goûte de repos ni le jour ni la nuit, et me trouve dans la plus horrible situation. Ne suis-je pas fiancé à un homme que je hais de toute mon âme, et j'en aime un autre profondément, passionnément à la folie ? Et celui-là est actuellement aux travaux forcés, interrompis-je. Hélas ! Mme Tisdale vous a dit que je fus jadis promise à Edouard Bayard. En effet, répondis-je, c'est la vérité, continua-t-elle. Nous nous aimons tendrement, nous étions aussi heureux qu'on peut l'être. C'est alors que parut le premier nuage. Edouard, dans un moment de faiblesse, cautionna un billet souscrit par un de ses amis. Celui-ci n'ayant pu payer, Edouard dut le faire pour lui. Il résolut de prier mon tuteur, Francis Levison, de l'aider. Il le fit en ma présence et Francis repoussa sa demande. Edouard assura que cela importait peu et qu'il était sûr de se procurer l'argent d'une autre façon. Immédiatement après, se produisit l'horrible coup de théâtre du prétendu faux. On l'arrêta. Nous étions ensemble quand ceci arriva. Ce fut comme si le soleil disparaissait du ciel de ma vie. Mon espoir sombra. Puis ce fut le jugement, le verdict, sa suite terrible. Mais rien de tout cela, docteur Halifax, ne put altérer mon amour. Il demeure, me consumant, me tuant peu à peu par mon cœur brisé. Et voilà réellement de quoi je meurs. Si vous sentez ce que vous dites, pourquoi, demandai-je, consentez-vous à épouser un autre homme ? Votre question ne me surprend pas, et je vais essayer d'y répondre. Je consens parce que je suis faible. Harcelé sans trêve, constamment circonvenu, j'ai senti mes nerfs se tendre à un tel point que pour avoir la paix, j'ai dit oui. Miss Levison souhaitait ce mariage. C'est une bonne femme, mais complètement dépourvue de sentiments et de romanesque. Elle croit à la culpabilité d'Edouard et ne comprend pas comment je puis l'aimer encore en pareille circonstance. Elle désire me faire épouser son frère parce que je suis riche et que mon argent sera utile à ce dernier. Elle croit loyalement qu'il fera un bon mari et qu'après notre union, je serai heureuse. Je la respecte, elle, mais je m'écarte de lui comme d'un serpent aperçu dans l'herbe. Je me méfie de lui. Je suis certaine qu'avec son secrétaire, Franks, il a machiné quelque effrayant complot pour perdre Edouard. Cette certitude me hante jour et nuit. Mais je suis une victime, sans force pour résister aux objurgations de M. Levison. Cependant, que M. Tisdale va me dire que vous croyez à l'innocence d'Edouard, un faible rayon de lumière parut glisser sur ma misère. Je résolus d'aller à vous et demander à Miss Levison de m'emmener vous consulter. Elle connaissait votre nom et fut enchantée de le faire. À présent, vous connaissez mon histoire. Pouvez-vous quelque chose pour moi ? Je puis seulement vous conjurer de ne point épouser M. Levison, répondis-je. Cela vous est aisé à dire, comme moi de vous promettre de rester fidèle à celui que j'aime, tandis que je suis assise dans votre cabinet de consultation. Mais lorsque je serai de retour chez mon tuteur, je redeviendrai une toute autre fille. La dernière parcelle de force morale m'aura abandonné, et je serai tout juste capable de laisser les événements suivre leur cours. Ils le suivront jusqu'à mon mariage. Ce jour-là, j'irai à l'église. Je souffrirai la torture de cette cérémonie qui me liera à Francis Levison, et j'espère sincèrement ne pas y survivre longtemps. Oh, quelquefois, il me semble que ma raison ne résistera pas à cette épreuve. Docteur Halifax, ne pouvez-vous venir à mon secours ? La pauvre fille était toute secouée. Ses lèvres tremblaient et sa figure avait une expression navrante. « La première chose à faire est d'essayer de vous maîtriser, » dis-je. Je remplis un verre d'eau et lui donnai. Elle en but une ou deux gouttes et le reposa sur la table, un peu remise de son excessive émotion. « Je ferai certainement tout pour vous aider, » ajoutai-je, « mais il faut, de votre côté, me promettre de rester calme. Vos nerfs sont très affaiblis et ces émotions les affaiblissent encore. Je ne puis croire que vous n'ayez point assez de force pour repousser une union qui vous fait horreur. N'êtes-vous pas venu à moi avec quelque idée dans la tête ? Que souhaitez-vous que je fasse ? En venant, j'avais un but, avoua-t-elle, mais c'est une chose tellement difficile à demander. Si vous y consentez, vous pouvez m'aider et me rendre un peu de calme. Je vous en prie, expliquez-vous, lui dis-je. je voudrais que vous fassiez ceci, non comme médecin, mais comme homme. Il faut que vous alliez voir Édouard Bayard, qui subit sa peine à Hartmoor. Je vous en supplie, ne refusez pas. Attendez que je vous ai complètement dévoilé ma pensée. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver, traitant des prisons et des prisonniers. J'ai appris qu'à certains intervalles, les prisonniers ont la liberté de recevoir des visiteurs. Essayez de le voir et dites-lui ce que vous savez sur moi. Dites-lui que mon amour est inaltérable, que si j'épouse M. Levesen, j'aurai seulement cédé aux circonstances, mais que mon cœur, tout ce qui en moi, à quelque prix, demeurera à lui et à lui seul. Dites-lui aussi que je croirai à son innocence aussi longtemps que je vivrai. « Vous m'adressez une étrange requête, » dis-je quand elle eut fini de parler. « En premier lieu, vous me demandez de faire quelque chose qui est tout à fait hors de mon ressort. D'autre part, il est fort douteux que même si je vais à Hartmoor, il me sera permis de voir le prisonnier et de lui transmettre votre message. Il est vrai qu'à des intervalles fixes, les prisonniers peuvent recevoir leurs amis du dehors, mais jamais seuls. Un gardien est toujours présent. Puis, pourquoi troubler Bayard avec la nouvelle de votre mariage ? Cela ne peut qu'augmenter sa détresse alors que, vraisemblablement, cette nouvelle n'arriverait pas jusqu'au lieu où il est maintenant. Il peut, d'un jour à l'autre, l'apprendre d'une autre part. Les prisonniers reçoivent des nouvelles de l'extérieur. Les journaux pénètrent dans les prisons. J'ai lu plusieurs livres là-dessus, eux aussi. Il importe que ma commission soit faite. Il faut au moins qu'il sache que mon cœur reste loyalement à lui. Sinon, je deviendrai tout à fait folle. À ce moment, l'impétueuse fille courut à une fenêtre, écarta le rideau et se mit à regarder à travers la vitre. Je compris qu'elle agissait ainsi pour cacher son émotion trop forte. « Je ne puis rien vous promettre de définitif, » dis-je après un silence, « mais j'essaierai sûrement l'impossible pour vous aider. Il se fait que je connais le gouverneur actuel de Hartmoor, et peut-être indirectement pourrais-je communiquer avec Bayard. Vous ferez davantage, vous irez à Hartmoor. Si, je suis sûr que vous irez. Ne dites pas que cette mission est en dehors de vos attributions. Vous êtes médecin. Votre destinée est de soulager la souffrance, d'adoucir et de soutenir la détresse. Je suis malade moralement, et ceci est la seule médecine qui puisse alléger mes peines. S'il est possible, dis-je, j'exaucerai votre vœu. Je ne puis à présent promettre davantage. Merci, merci. Je sais que vous ferez l'impossible. À tout le moins, je puis aller trouver le gouverneur, le capitaine Standish. Mais rappelez-vous que même en faisant cela, je puis échouer complètement. Je ne pourrai rien vous écrire à ce sujet, mais soyez assurés que je mettrai tout en œuvre pour vous. » Elle me tendit la main en détournant la tête pour cacher ses larmes et quitta la pièce. Je réfléchis un bon moment à cette triste histoire, et quoiqu'il me parut douteux de pouvoir communiquer son message à Bayard, je résolus d'aller à Hartmoor et de m'en remettre à la Providence pour me donner l'occasion que je cherchais. Mais quelques cas graves me retinrent à Londres près de 6 jours, et ce ne fut qu'un certain samedi, moins d'une semaine avant le jour fixé pour le mariage, que je pus quitter la ville. Je gagnai Plymouth par un train de nuit et arrivai à la grande prison de sombre apparence le matin suivant vers 11 heures. Je fus chaudement accueilli par le gouverneur et sa charmante femme. Un déjeuner m'attendait, et lorsqu'il fut fini, le gouverneur m'offrit de me conduire à travers la prison, de me montrer les escouades d'hommes et leurs travaux divers, extraction de la pierre, gazonnement, terrassement, et en un mot, de me donner toutes les explications possibles touchant les prisonniers. Il tint parole et me fit d'abord visiter la prison, puis les groupements d'hommes au travail. Tout ce que je vis m'intéressa fort, mais sans me fournir l'occasion de glisser un mot au sujet de Bayard. Le soir, après dîner, le capitaine Standish me demanda tout à coup l'objet de ma visite. « Eh bien, dit-il, êtes-vous satisfait de votre journée ?»« Tout m'a beaucoup intéressé, répondis-je. Sans doute, mais vous devez bien avoir eu quelques motifs particuliers de faire ce voyage. Un homme occupé comme vous ne s'éloigne pas de la ville, surtout à cette époque de l'année, sans être poussé par quelque nécessité autre que celle, ajouta-t-il en souriant, de revoir un vieil ami. » Je répondis, après l'avoir considéré un instant, « Je suis venu ici dans un but particulier. Je le pensais bien. Êtes-vous disposé à me le confier ? Certainement. Je dois vous le confier. Je viens à Hartmoor pour voir un homme du nom de Bayard, Édouard Bayard. Il a été condamné voici 1 an à 5 années de travaux forcés. J'ai assisté au jugement. Je lui apporte un message et désire le lui remettre, si cela est possible. » Pendant que je parlais, la figure du capitaine Standish prenait une expression bizarre. « Vous désirez voir Bayard ? » répéta-t-il. « Oui. » « Et vous lui avez apporté un message que vous pensez pouvoir lui remettre ?»« Oui. Y a-t-il impossibilité ? Je le crains. » Il se tut une minute, réfléchissant profondément, puis il reprit. « Une des règles les plus strictes de la prison est qu'on ne doit pas dévoiler aux visiteurs l'identité des prisonniers. Il est vrai qu'à des dates fixées, les forçats peuvent voir leurs parents ou leurs amis intimes, toujours naturellement en présence d'un gardien. Depuis son arrivée, Bayard n'a eu personne à voir. Le connaissez-vous personnellement ? Je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Alors comment se fait-il ? Je l'interrompis brusquement. Le message dont je suis chargé est sous certains rapports une question de vie ou de mort. La raison, peut-être la vie, d'une innocente en dépende. N'y a-t-il aucun moyen de faire en ma faveur, exception à la règle ? Aucun pour l'ordinaire. Mais que diriez-vous ? Ici, le capitaine Standish se leva. Que diriez-vous d'une visite à Bayard en votre qualité de médecin ? Que voulez-vous dire ? Simplement ceci, je serais content que vous l'examiniez, en consultation, avec le médecin de la prison. Je sais que Bruce sera heureux d'avoir votre avis sur ce cas. Est-il donc malade ? Demandai-je. Il l'est. En ce moment, le prisonnier que vous êtes venu voir est complètement en catalepsie. Restez, je vais appeler Bruce et lui demander de vous expliquer la chose. Le capitaine Standish se leva et sonna. Quand un domestique apparut, il le chargea d'aller prier le docteur Bruce de se rendre immédiatement auprès du gouverneur. En attendant, me dit Standish, je vais vous parler de Bayard. À propos, nous appelons ici le numéro 60. Il nous arrivait de Pentonville avec un excellent caractère qu'il a certainement conservé durant ses quelques mois de résidence à Hartmore. C'est un homme intelligent et il suffit d'un regard pour le classer dans la société dont il sort. Vous savez que nous avons ici un système de notes et que les prisonniers peuvent diminuer leur temps de peine proportionnellement au nombre de bonnes notes qu'ils obtiennent. Dès le premier instant, Bayard en eut d'excellentes. Il s'est soumis à toutes les règles, toujours poli et prêt à obliger. Ainsi, il arriva, voici 3 mois, une aventure qui plaça le prisonnier dans la meilleure situation qu'un forçat puisse obtenir. Un matin, pendant la promenade, dans l'une des cours, un détenu se rua sur un gardien et l'aurait tué sans l'intervention du numéro 60. Bayard est d'assez frêle apparence et nul ne lui supposerait une grande force musculaire. Quand il arriva, le docteur le mit dans l'établissement des tailleurs, le déclarant impropre à l'extraction de la pierre ainsi qu'aux autres travaux extérieurs. Eh bien, quand la rixe dont je vous parlais éclata, le numéro 60 sauta sur le furieux et au péril de sa vie sauva celle de Simpkins. Le forçat évadé ne laissa pas toutefois Bayard indemne. Il lui donna dans les côtes un coup si violent que l'une fut brisée. Elle lui blessa légèrement le poumon, de sorte qu'on dut le conduire à l'hôpital, où il resta près d'une quinzaine. Au bout de ce temps, il sembla rétabli et nous espérions qu'aucun mal ne résulterait de son héroïque conduite. Après avoir consulté Bruce, je le retirai de l'atelier des tailleurs pour lui donner, à la tenue des livres, l'emploi le plus intelligent et le moins fatigant que je pus trouver. Il a des dispositions particulières pour la menuiserie. Pas plus tard que ce matin, il était occupé chez moi à diriger quelques charpentiers installant un meuble assez compliqué. En tout, il est, je crois, un homme exceptionnel. « Mais que savez-vous de ces crises ? » demandai-je. « J'y arrive. »« Ah, voici Bruce. Il vous expliquera les faits au point de vue médical. »« Bruce, laissez-moi vous présenter mon ami le docteur Halifax. » Nous étions précisément en train de parler de votre malade, le numéro 60. Que diriez-vous d'une consultation avec Halifax ? J'en serais charmé, répondit Bruce. Il me semble, Standish, avoir compris que Bayard était malade en ce moment. Avoir compris que Bayard était malade en ce moment, fis-je. Effectivement. Voulez-vous lui expliquer le cas, Bruce ? Votre visite est tout à fait opportune, me dit celui-ci. Le numéro 60 a eu ce matin une forte attaque. Il était occupé ici même à diriger quelques menuisiers lorsqu'il tomba sans connaissance sur le plancher. On le porta dans une chambre voisine de l'atelier. Il y est maintenant. « Quels sont les symptômes généraux ? » demandai-je. « L'insensibilité la plus complète. En un mot, c'est la catalepsie, sous sa pire forme. Ses attaques commencèrent après la légère inflammation des poumons qui suivit sa blessure. Le capitaine Standish vous a probablement raconté cela. « En effet, » dit Standish. Il peut avoir, à l'époque de cet accident, reçu un choc plus violent que nous ne pensions, continua le docteur Bruce. « D'autre part, je n'ai jamais ouï parler d'une catalepsie résultant de blessures aux poumons. Avant cette maladie, l'homme était en parfaite santé. Depuis lors, il a eu des attaques de catalepsie une fois et même deux fois par semaine. D'habitude, il reprend connaissance au bout de quelques heures. Mais aujourd'hui, son insensibilité est plus marquée que de coutume. « Vous ne pensez pas qu'il y ait possibilité de simulation ?» demandai-je. « On raconte à ce sujet de nombreux faits se rapportant à des prisonniers. » Le médecin secoua la tête. « Non, la maladie n'est que trop réelle. J'ai prouvé l'homme de toutes les manières. Je me suis servi d'une batterie électrique. Je l'ai même piqué avec des aiguilles. Bref, je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'une imposture. En ce moment, il est semblable à un mort. Mais venez, vous jugerez vous-même. » En parlant, le docteur Brough se dirigea vers la porte. Nous l'accompagnâmes, le capitaine Standish et moi. Nous passâmes sous une voûte et pénétrâmes dans un vaste atelier aux fenêtres hautes et grillées. De là, nous passâmes dans une petite pièce attenante. L'unique fenêtre de cette chambre était également élevée et protégée par d'épais barreaux. Au milieu, sur un lit de camp, gisait le prisonnier. Pendant une minute, j'eus peine à reconnaître l'homme. La dernière fois que j'avais vu Bayard, il était en costume de ville. Je le retrouvais maintenant sous le hideux uniforme de la prison, les cheveux coupés ras, la face maigre et fatiguée. Il paraissait plus vieux de quelques années que celui entrevu sur le banc du tribunal. Sous les yeux se voyaient des creux profonds, creusés par l'atroce souffrance morale. Les lèvres étaient étroitement serrées et semblaient une simple ligne. L'obstination du menton, que j'avais remarqué à la cour d'assises, était à présent plus visible que jamais. Si quelqu'un pouvait simuler la catalepsie, ce serait bien cet homme, pensais-je. Il a à la fois le courage nécessaire et l'obstination. Mais quel pourrait être son motif? Je me penchai pour examiner soigneusement le malade. Il était étendu sur le dos. Sa peau était froide. Il n'y avait pas trace de couleur sur le visage ou sur les lèvres. Prenant le poignet entre mes doigts et mon pouce, je tâtai le pouls qui était très faible et à peine perceptible. Tout le corps de l'homme semblait un bloc de glace. Les membres étaient légèrement rigides. « Voici un cas étrange, » dis-je tout haut. « Il est réel, » interrompit Brough. « L'homme est entièrement insensible. » Comme il parlait, je soulevai brusquement une des paupières du malade et examinai l'œil. La pupille était contractée. L'œil était trouble et en apparence insensible. Je le fixai durant plusieurs secondes. Pas le plus léger tressaillement qui me montra la moindre approche de sensibilité. Je pressai de mon doigt la cornée. Il n'y eut rien. Je baissai de nouveau la paupière, et après un examen attentif, je me redressai. « Certainement, dis-je, cette catalepsie semble réelle. L'homme est, selon toute apparence, absolument insensible. J'en suis fâché car j'espérais, capitaine Standish, obtenir de vous un entretien avec lui. Je suis venu aujourd'hui à Hartmore dans ce seul dessein. J'étais chargé d'un message de grande importance, par quelqu'un qu'il connaissait bien autrefois. J'aurais voulu le lui transmettre, mais vu son état, c'est naturellement impossible. Quel traitement proposez-vous ? Demanda le docteur Brough, qui avait témoigné de quelque impatience pendant mon discours soigneusement prononcé. Je vous en parlerai dehors, répondis-je, car je surveillais tout en causant attentivement le malade. Standish et Brough s'apprêtèrent à quitter la pièce et je les suivis. Mais quand j'eus atteint la porte, je me retournai tout à coup pour jeter un regard au malade. Était-ce un rêve ou m'avait-il regardé pendant une brève seconde? Je distinguais certainement le léger clignement des paupières. À l'instant, la vérité se fit jour dans mon cerveau. Bayard était un simulateur. Il avait feint la catalepsie si habilement qu'il en avait imposé même au clairvoyant médecin de la prison. Il m'en aurait également imposé, n'eût été ce tressaillement sur cette face de mort. J'avais parlé à dessein de ce message venu du dehors, et ma flèche, lancé à l'aventure, était arrivé au but. Quand je quittai la chambre, je connaissais le secret de l'homme, mais je résolus de ne point le révéler. Brough me consulta sur le cas. Je lui suggérai brièvement quelques idées et lui conseillai de ne pas laisser le malade seul, mais de veiller à ce qu'un gardien s'assît à son chevet durant la nuit. Standish et moi retournâmes ensuite au salon. Nous passâmes ensemble une agréable soirée. Il était plus d'une heure quand nous nous retirâmes pour prendre du repos. « Feriez-vous quelque objection à ce que je revoie le numéro 60 ?» demandai-je tout à coup en me tournant vers Standish. « Non, naturellement, Halifax. C'est bien à vous de marquer tant d'intérêt à ce pauvre air. Je dirai à Bruce de vous conduire à sa chambre demain matin. J'aurai besoin de le voir maintenant, dis-je. Maintenant ? Oui, si vous voulez me le permettre. Certainement, si vous le souhaitez réellement. Mais je ne suppose pas qu'il y ait eu le moindre changement. L'homme reçoit tous les soins possibles. Un gardien reste près de lui. J'aimerais le voir à présent, répétai-je. À votre aise, répondit Standish. Nous descendîmes les escaliers. Ayant passé sous la voûte glaciale et traversé l'atelier, nous nous arrêtâmes devant la porte de la petite chambre où gisait l'homme malade. Standish ouvrit la porte, tenant à la main un bougeoir. Nous regardâmes tous deux du côté du lit. Pendant un moment, nous ne pûmes rien distinguer, car la bougie ne jetait qu'une faible lueur. Enfin, la scène devint distincte. Le gardien qui avait charge de Bayard gisait sans mouvement sur le plancher. Quant au prisonnier, il avait disparu. « Grand Dieu, c'est une comédie, il s'est échappé !» s'écria le gouverneur. Je me penchai sur le gardien. On l'avait dépouillé de ses vêtements de dessus, et il était étendu par terre en chemise. Je le retournai sur le dos, examinai sa tête et pris Standish de me faire apporter de l'eau-de-vie. Au bout d'un moment, l'homme revint à lui. Il ouvrit les yeux et me regarda d'un air égaré. « Où suis-je ? » demanda-t-il. « Quel est ce miracle ? Qu'est-il arrivé ? Oh, je me rappelle à présent. Ce scélérat ! Laissez-moi aller, il n'y a pas une minute à perdre. « Vous ne devez pas remuer d'ici à 2 minutes, lui dis-je. Vous avez reçu un mauvais coup, et il vous faut rester tranquille, bien que vous soyez rapidement revenu à vous. Demeurez calme encore un moment, et alors vous pourrez dire votre histoire. » Pendant ce temps, j'irai donner l'alarme, fit Standish, qui nous regardait avec anxiété. Il quitta la pièce. Le gardien, évidemment, n'avait été qu'étourdi par le coup. Il ne tarda pas à se remettre. « Maintenant, monsieur, je me souviens de tout, dit-il. Je vous demande pardon, mais je ne connais pas votre figure. »« Je suis un ami du gouverneur, répondis-je, un médecin de Londres. Maintenant, dites votre histoire et faites vite. » Nous avions tous de bonnes manières pour le numéro 60. Commença l'homme, il était forçat, mais ça ne l'empêchait pas d'être, comme qui dirait, un favori. Voilà que cette nuit, il était comme un mort, et je pensais, le pauvre bougre, qu'il ne reviendrait pas de cette affaire-là. Tout d'un coup, je sens ses yeux grands ouverts fixés sur moi. « Simpkins, qu'il me dit, ne criez pas. Vous êtes un homme mort, si vous criez Simpkins, et une fois, je vous ai sauvé la vie. C'est vrai. » Numéro 60 que je lui réponds. « Eh bien qu'il fait votre tour. » Maintenant, de sauver la mienne. Prêtez-moi votre chapeau, votre jaquette et vos clés. Faites vite. Si vous dites non, je vous assomme. Je le peux. J'ai caché une arme sous le matelas. Oh, vous n'allez pas vous enfuir de la prison numéro 60, que je réponds. Vous vous feriez allonger votre peine si vous faisiez ça. Il le faut. Qu'il fait avec des yeux féroces. Je l'ai vu dans les journaux. Il faut que je parte. J'ai quelqu'un, Simpkins, que je dois sauver d'une destinée pire que la mort. À présent, c'est oui ou non ? C'est non, que je réponds. J'avais à peine dit ça qu'il saute du lit et m'attrape à la gorge. Je me rappelle que j'ai senti un coup et que mes yeux me regardaient sauvagement. Puis, j'ai perdu connaissance. La première chose que je vis ensuite, ce fut vous, monsieur, en train de verser du brandy dans ma gorge. Vous voilà mieux maintenant, répondis-je. Vous feriez bien d'aller conter votre histoire aux autorités. L'homme quitta la chambre et je me hâtai d'aller à la recherche de Standish. Tout était en tumulte et en désordre, l'alarme était générale. Cela ne faisait pas le moindre doute que Bayard fût sorti de la prison de Hartmore sous le costume du gardien. Un des portiers en témoigna. L'alarme fut donnée et des télégrammes envoyés dans les différentes gares ainsi qu'au poste de police. Standish assura que l'homme serait repris le lendemain matin. Même si, par hasard, il arrivait jusqu'à Londres, il y serait, grâce à son costume, immédiatement arrêté. Je demeurai à Hartmore la plus grande partie du jour suivant, mais l'attente de Standish ne se réalisa pas. Quoique des télégrammes eussent été adressés aux divers postes de police, il n'y eut aucune nouvelle d'Edouard Bayard. On savait maintenant que Simpkins avait de l'argent dans la poche de sa jaquette. Il avait justement touché ses gages du mois et portait sur lui 3 livres environ. Quand on connut ce fait, le succès de l'évasion parut probable. Comme il ne me restait plus rien à faire, je retournai à Londres le soir du jour suivant et rentrai chez moi juste à temps pour déjeuner. J'avais hâte de voir Lady Kathleen, mais je ne savais comment communiquer avec elle. Je fus tiré d'embarras d'une manière tout à fait inattendue. Cet après-midi, quand je revins de ma tournée, Harris me surprit en m'annonçant que Miss Leveson désirait me parler. J'allai de suite à elle et remarquai, tandis qu'elle me saluait, la surexcitation de son regard. « Vous souvenez-vous de votre malade, Lady Kathleen Church ?» demanda-t-elle. « Parfaitement, » répondis-je. « J'espère qu'elle va mieux. »« Loin de là, son état empire. Je la considère comme très malade. Son mariage doit avoir lieu dans quelques jours. Mais à moins qu'on ne parvienne à vaincre son terrible état d'esprit, nous aurons plutôt un enterrement qu'une noce, ce jour-là. » « Quels symptômes particuliers offre-t-elle maintenant ?»« Depuis que vous l'avez vue, docteur Halifax, elle a été de mal en pis. Ce matin, elle perdit connaissance pendant un court instant. En revenant à elle, elle demeura fort surexcitée. Sa propre impression fut qu'elle perdait le sens. Elle pria et supplia qu'on vous envoyât chercher, et je me décidai à venir moi-même. « Pouvez-vous me suivre ?»« Certainement, » répondis-je. « J'irai. À quelle heure ?»« De suite, si vous voulez bien. » Il n'y a pas de temps à perdre. Voulez-vous m'accompagner? Votre malade est très souffrante et réclame vos soins sans délai. Ma voiture est à la porte. Elle peut nous conduire chez vous. Certainement, acquiesça Miss Leveson. Et elle se leva de sa chaise, évidemment impatiente de partir. Comme nous roulions vers Piccadilly, elle me dit « Pendant que j'en ai l'occasion, je désire vous demander quelque chose. Qu'est-ce ? » interrogeai-je. « Naturellement, je serais contente que Lady Kathleen épouse à mon frère, mais je voudrais vous persuader que je ne suis pas capable de la forcer à ce mariage. Je crains que la pauvre fille n'ait un autre attachement des plus malheureux. Étant donné les circonstances, j'ai cru devoir cesser de hâter le mariage qui, nous l'avions espéré, était imminent. Mais je n'ai pu amener mon frère à partager mes vues. Il est décidé, quoi qu'il arrive, à ne point dégager Lady Kathleen de sa promesse. » « Il ne peut l'épouser de force, dis-je. Si, par pression morale. Vous ne connaissez pas l'homme, docteur Halifax. » Je ne répondis rien. Nous avions atteint la magnifique maison de Piccadilly, et quelques moments plus tard, je me trouvai en présence de la malade. Miss Leveson me conduisit jusqu'à la porte et se retira. « Entrez seule, » dit-elle, « ce sera mieux. Je ne voudrais pas que mon frère puisse me croire d'un complot contre ses intérêts. » Elle chuchota ses dernières paroles presque avec effroi et disparut avant que j'eusse eu le temps de répondre. Je frappai à la porte, une voix d'homme m'invita à entrer et je me trouvai dans un joli boudoir. La jeune fille que je venais voir était étendue sur un sofa, les yeux fermés, le front entouré d'un mouchoir mouillé et imbibé d'eau de Cologne. Un homme était assis près d'elle, paraissant la soigner avec la plus grande prévenance. Sa sollicitude se lisait sur sa figure. Je devinai tout de suite que c'était Leveson. Un rapide examen me montra qu'il était à la fleur de l'âge. Irréprochablement vêtu, son aspect n'était pas seulement distingué, mais aristocratique. Il se leva comme j'entrais et me fit un salut presque raide. Je me hâtai de lui décliner mes noms et professions. Sans une parole, il m'offrit un siège près de la malade. En m'entendant, Lady Kathleen avait ouvert les yeux. Elle sortit de cette insensibilité semblable à la mort dans laquelle elle était tombée, et me jeta des regards d'intérêt et de soulagement. Je lui posai quelques questions, mais je me rendis rapidement compte qu'en présence de Leveson, elle était gênée et contrainte. « Verriez-vous quelque inconvénient à me laisser un instant seul avec la malade ?» demandai-je à celui-ci. Sa réponse me surprit. « Oui, » riposta-t-il. « Vous n'avez rien à dire, Lady Kathleen, que je ne doive entendre. Elle souffre de nervosité. Nervosité frisant l'hystérie. Elle ne dort pas. Un calmant lui rendra le sommeil. Auriez-vous l'obligeance d'en écrire l'ordonnance? Vous avez sur cette table du papier une plume et de l'encre. » Il parlait d'une voix calme, dont la rudesse était corrigée par l'affabilité des manières. Je me retournai pour interroger Lady Kathleen, quand à ma grande surprise, elle s'assit sur le sofa et parla avec une solennité et une force effrayantes. « Vous ne voulez pas sortir ? » demanda-t-elle. « Je ne le veux pas, » répondit-il. « Alors je parlerai devant vous. »« Non, vous ne pouvez m'intimider, tandis que le docteur Halifax est présent. »« Francis, vous allez entendre la vérité, à moins que vous ne changiez de décision et quittiez la pièce. »« Je préfère rester, » fit-il en ricanant. « Je ne serais pas fâché de connaître le fond de votre pensée. »« Je vais vous le montrer. »« Je vous épouse uniquement parce que je n'ose refuser. »« La seule influence que vous ayez sur moi est celle de la terreur. »« En ce moment, » je me sens assez forte pour vous braver. C'est parce que je vois le docteur Halifax qui est fort et me donne du courage. Je ne vous aime pas. Je vous hais. Je vous hais de toutes les forces de mon âme. Et vous ne m'aimez pas non plus. Vous ne voulez m'épouser que pour ma fortune. » tandis que Lady Kathleen parlait, le zen se leva. « Vous voyez, docteur, l'état de votre malade. Vous comprenez la nécessité d'une potion calmante. « Ma chère enfant, ajouta-t-il, vous n'êtes point en ce moment responsable de vos actes. Je vous supplie de ne plus parler alors que vous êtes si fiévreuse et surexcitée. J'ai pourtant quelque chose à ajouter, riposta-t-elle. Peut-être me croyez-vous folle et peut-être le suis-je, mais folle ou de bon sens, je ne dis que ce que je pense. Je vous hais et j'aime Edouard Bayard que j'ai vu ce matin dans le parc. Il était près de la porte de Stanhope, je le croisais. Je voulais retourner sur mes pas et lui parler, mais avant que j'aie pu le faire, il avait disparu. Oui, je l'ai vu, et c'est ce qui m'a complètement bouleversé, prenant mes dernières forces. En rentrant, je pensais mourir. Le choc fut terrible. Peut-être ne l'avais-je pas vu réellement. Peut-être suis-je folle et n'est-ce qu'une illusion. Oh, Francis, ne me demandez pas de vous épouser. N'abusez pas de votre force. Rendez-moi ma liberté. Ne faites pas votre femme d'une fille qui vous hait. Venez. « Me dit Levison, c'est sérieux. Tâchez d'être calme, ma chère enfant. Cette excitation ne vous vaut rien. » Il ajouta, se tournant vers moi. « Je ne pensais pas, docteur, qu'elle fût aussi mal. » Certainement, Lady Kathleen est victime d'une illusion, en croyant avoir vu ce Bayard. Il subit en ce moment à Hartmoor une condamnation bien méritée. « Il est innocent, et vous le savez !» cria Lady Kathleen. « Pauvre fille, sa maladie s'est aggravée d'une manière inimaginable. » continua Levison. Je l'interrompis. Cela n'a aucun rapport. Lady Kathleen est très souffrante, mais n'est nullement victime d'une illusion. Il est très plausible qu'elle ait bu Bayard ce matin puisqu'il s'est évadé de Hartmoor l'avant-dernière nuit. Comment ? S'écria Lady Kathleen. Mes paroles semblèrent l'avoir électrisée. Elle bondit du sofa et saisit mes mains dans les siennes. Edouard s'est évadé ? Interrogea-t-elle, haletante. Levison ne dit rien. Mais son teint verdi et sa physionomie devint horrible à voir. C'est la vérité, commençai-je. Ma phrase fut coupée. Un bruit soudain se fit entendre dans le salon qui communiquait avec le boudoir. Des pas rapides approchèrent. La porte du boudoir s'ouvrit brusquement et un homme, que je n'avais jamais vu auparavant, se précipita dans la pièce et saisit une des mains de Levison. Que veut dire ceci, Franks ? Interrogea celui-ci d'un ton mécontent. Ce que cela veut dire, répondit Franks, d'une voix tremblante et saccadée, cela veut dire que le pauvre garçon s'est échappé, qu'il est ici. Oh, je sens qu'il est venu pour moi, il va me tuer. Il nous tuera tous les deux, Levison. Je l'ai vu dans la salle, tenant un revolver. Je vous dis qu'il vous tuera, Levison. Il le veut, il y a du meurtre dans son regard. C'est un furieux. Que pouvons-nous faire ? Pour l'amour de Dieu, remettez-vous, dit Levison. C'est vous qui perdez la tête. Point, fit une autre voix. « Ces craintes sont assez justifiées. » La porte s'ouvrit une seconde fois, et Bayard, l'homme que j'avais vu dernièrement en uniforme de prisonnier, gisant comme mort sur son lit de camp, parut devant nous. Il tenait un revolver, mais ne s'en servit pas. Franks, qui était comme fou, se précipita vers lui et se jeta à ses pieds. « Épargnez ma vie, » gémit-il, « ne me l'enlevez pas. Il y a des mois que je me repens, épargnez-moi, ne me tuez pas. J'ai peur de vous, laissez-moi aller, je vous en supplie. » Le misérable élevait la voix jusqu'à pousser des hurlements. « Ne vous agenouillez pas devant moi !»« Puis Bayard, je n'en veux pas, à votre misérable vie. Je n'en ai nul besoin. Mais dites la vérité, lâche. M'avez-vous donné le chèque ?»« Je l'ai fait, Bayard, je l'ai fait. Et depuis, je suis désespéré, j'ai été tenté, j'ai succombé, c'est vrai. Ne me faites pas de mal. »« Que ferai-je de votre vie ?» dit Bayard. « Je n'habillerai pas mes mains en vous touchant. Je ne me souillerai pas de votre sang. » « Répondez simplement à mes questions. M'avez-vous remis un chèque de 5 000 livres ?»« Oui, oui. »« Levison, vous l'avez donné dans ce dessin ?»« Oui. »« Franks, » interrompit Levison, « vous ne savez pas ce que vous dites. La terreur vous fait perdre la tête. »« Non, pas Levison, » répliqua Franks. « Vous m'avez donné le chèque pour le remettre à Bayard. Je ne puis m'empêcher de déclarer la vérité. J'aurais tout fait pour vous. Mais j'aime mieux être ruiné et chassé que supporter l'angoisse morale que m'a causé notre crime. » Ce garçon me tuera si je ne dis la vérité, et par le ciel, Levison, je ne veux pas perdre la vie pour vous. En ce qui me concerne, vous êtes sauf, affirma Bayard, posant son revolver sur la table. Vous avez avoué la vérité, c'est tout ce que je désirais. Pour vous, Levison, la comédie est finie. Vous ne pensez pas que je m'échapperai de prison pour vous confondre? Vous aviez, avec Franks, inventé la plus horrible machination qui fut jamais échafaudée pour la perte d'un innocent. Vous m'avez fait injustement emprisonner. Mais votre tour arrive. Vous n'échapperez pas. Ce monsieur que voici, je crois le connaître pour l'avoir vu à Hartmore il y a 2 jours, sera mon témoin. Moi aussi, je puis inventer et conspirer. J'ai feint une maladie grave pour endormir la surveillance et m'échapper. Je fis ceci, Levezen, parce que vous m'avez acculé au désespoir. Vous m'avez pris ma liberté et mon rang. Vous avez détruit ma vie entière. Mais lorsque, en sus de ces iniquités, vous avez résolu d'obliger la fille que j'aime et qui m'aime à devenir votre femme, j'ai senti que je n'en pourrais supporter davantage. C'est par pur hasard que je vis dans un journal l'annonce de vos fiançailles avec Lady Kathleen. Ce journal, un forçat me l'avait prêté alors que j'étais à l'hôpital. À partir de ce moment, je jouais un jeu désespéré. Je m'évadais dans l'intention de vous tuer. Si cela était nécessaire, vous, scélérat endurci, plutôt que de vous laisser épouser celle que j'aime. Celle qui vous aime, Edouard, fit Lady Kathleen. Elle courut à lui et jeta autour de son cou ses bras doux et blancs. Il lui jeta un court regard passionné, mais ne lui parla pas. Il faut que vous écriviez votre aveu, dit-il à Franks. Quant à vous, Levezen, mais remarquant que celui-ci s'était doucement rapproché de la porte, n'essayez pas de sortir. J'ai un revolver, et vous m'avez poussé à bout. Comprenez bien qu'il serait dangereux de me braver. Vous approuverez la confession de Franks. Écrivez-la maintenant, Franks. Je vois sur cette table du papier ce qu'il faut. Écrivez et faites vite. Franks, vous le faites à vos risques et périls, dit Levezen. Êtes-vous fou de vous livrer ainsi vous-même? Qu'est-ce que c'est que cet homme, sinon un forçat évadé? N'écrivez rien, Franks. Si, je le veux, déclare Franks, tout à coup. Ce n'est pas seulement parce que j'ai peur, Levezen. Sur ma parole, je suis presque heureux du soulagement que va m'apporter cette confession. Vous ne savez pas ce que j'ai souffert, une véritable torture, ni plus ni moins. Bayard n'était point mon ennemi. Je sais que vous m'avez donné de l'argent et que, dépourvu de force morale, je succombais. Mais il est sûr que j'eusse préféré être enfermé à Hartmore que de souffrir cette peine morale que j'ai endurée jusqu'ici. Écrivez sans retard votre confession, dit Bavard d'une voix sévère. Ses paroles résonnèrent fortement. Malgré ses vêtements, sa tête rasée, sa figure fatiguée et souffrante, il avait en ce moment l'attitude d'un vainqueur. L'impression de terreur, par laquelle il avait dominé Franks, était en train de gagner Levezen, qui cessa ses objections et se tint non loin de la porte, les bras croisés, la face sombre et les yeux baissés. Je compris qu'il fuirait s'il le pouvait, mais Bayard y veillait. « Écrivez et faites vite !» dit-il à Franks. Le malheureux se pencha sur le papier. C'était un gros petit homme, d'un âge moyen. Sa face était rouge et pleine de taches. De larges gouttes de sueur perlaient sur son front. Son crâne, d'un gris de fer, était légèrement chauve. La main avec laquelle il écrivait tremblait. Tout le temps qu'il écrivit, le silence régna dans la pièce. Lady Kathleen était demeurée près de Bayard. Sa nervosité s'était calmée. Ses joues se teintaient d'une belle couleur rouge et ses yeux brillaient. Elle avait subi une transformation. À la fin, Franks posa sa plume, il tira son mouchoir de sa poche et essuya la sueur de son front. « Donnez-moi le papier, » dit Bayard. Franks obéit. « Voulez-vous, monsieur, lire ceci à haute voix ?» me demanda l'ex-prisonnier en se tournant vers moi. « Certainement, » répondis-je. Le groupe étrange demeura silencieux. Autour de moi, tandis que je lus les lignes suivantes, le 4 mai 1890 et quelques, Francis Levezen, dont je suis depuis 7 ans le secrétaire, m'apporta un chèque de 5 000 livres souscrit par lui au profit d'Edouard Bayard. Il m'ordonna de le remettre à Bayard en ajoutant cette remarque. Il a quelques difficultés et en trouvera bien l'emploi. Bayard, à cette époque, était fiancé à Lady Kathleen Church, pupille de Francis Levezen. Je répondis que j'ignorais les embarras d'argent de M. Bayard. C'est ainsi, me dit Levezen. Il a été assez fou pour mettre son nom au bas du billet souscrit par un ami et doit satisfaire à une réclamation de 3 000 livres avant la semaine prochaine. Il m'a demandé hier, en présence de Lady Kathleen, de lui prêter cette somme pour en finir avec cette affaire. Je lui ai alors refusé d'accueillir sa demande, ce qui a paru le chagriner. « Et vous allez maintenant lui donner 5 000 livres ?» demandai-je. « Ceci semble extraordinaire puisqu'il sollicite seulement près de 3 000. » « Ne vous en tourmentez pas, » répondit Levezen. « Un peu d'argent comptant lui sera fort agréable en cette circonstance. Remettez-lui le chèque. Le fait est qu'il y a dans cette affaire plus qu'on en voit. J'ai besoin que vous m'aidiez pour un petit complot et que vous le fassiez au moment convenable. Vous remettrez ce chèque à Bayard quand nul ne sera présent. Surveillez quand il le touchera à ma banque. Si vous agissez habilement et promptement, je vous donnerai ces 1000 livres dont vous avez un si pressant besoin. « Que voulez-vous dire ? » demandai-je, le regardant étonné et plein d'effroi. « Vous savez bien qu'il vous faut cet argent, » répliqua-t-il. « Dieu le sait, » répondis-je. « C'est pour acquitter le prix de votre mobilier. » Continua la Bézène, « votre femme est sur le point d'avoir un enfant. Et si votre mobilier est vendu sous ses yeux, vous craignez que la secousse ne la tue. N'est-ce pas ainsi ? Oh, je suis renseigné sur votre compte. 1000 livres arrangeraient tout, n'est-ce pas ? Oui, oui. » « Mais le diable est dans cette affaire, » répondis-je. « Que voulez-vous faire, Levesen ? Quels sont vos projets ?» La face de Levesen prit une teinte terreuse. « Les voici, » me chuchota-t-il à l'oreille. « Je veux faire ceci contre ce misérable Bayard. »« Je croyais qu'il était votre ami, » fis-je. « Lui, mon ami ?» cria Levesen. « S'il y a un homme que je hais, c'est bien celui-là. » Il s'est mis contre moi et la jeune fille que je compte épouser. J'ai résolu de le perdre. Je n'aurai pas, Lady Kathleen, mais je le ferai enfermer, lui. « Maintenant, si vous acceptez de m'aider, l'affaire marchera et vous aurez vos 1000 livres. » J'étais dans ses mains comme une cire molle, car ma situation était désespérée. Je lui demandais ce qu'il fallait faire. « Je veux faire arrêter Bayard, » dit Levesen. « Je veux qu'on l'arrête comme faussaire. Quand le moment viendra, vous me seconderez. Il s'agit de prouver que Bayard a fabriqué la signature du chèque que vous tenez en ce moment dans votre main. Il déclarera que vous lui avez remis. Vous nierez le fait. » Enfin, vous et moi devrons faire quelques faux serments. Si nous nous entendons, je suis convaincu que la chose réussira. Ma pupille ne pourra épouser un homme condamné aux travaux forcés, et par le ciel, Bayard en aura pour quelque temps. Je protestai que je ne pouvais faire cela, mais Levesen m'ordonna, dormez là-dessus. Je rentrai chez moi, l'esprit du mal me harcela toute la nuit et me terrassa avant qu'il fût jour. Les 1000 livres à la pensée de sauver ma maison en furent la cause. Nous mîmes le plan à exécution. Je suis prêt à jurer la sincérité de cet aveu devant un magistrat, John Franks. Il serait bon, dis-je, après avoir terminé ma lecture, que ceci soit certifié par quelques témoins. Lady Kathleen, voulez-vous mettre ici votre nom ? Elle s'approcha de suite et signa d'une main ferme et hardie. Je signai aussi dessous. Maintenant, Bayard, continuai-je, ce n'est pas le moment de se montrer généreux. Une action abominable a été commise que seul le bras sévère de la justice peut réparer. Auriez-vous l'obligeance d'aller quérir la police ? Levesen et Franks doivent être incarcérés cette nuit même. Sous l'inculpation de fausses accusations et faux témoignages ayant entraîné votre injuste condamnation. Bayard. Attendez, avant de vous éloigner, dit Levesen, faisant un pas en avant et parlant avec ce calme étudié dont il ne s'était point départi durant cette scène étrange. Il y a un revers à l'histoire de Franks. Et quand je comparaîtrai demain matin devant le magistrat, je prouverai facilement que le récit tracé sur ce papier ne vaut pas davantage que le papier sur lequel il est écrit. Il n'y a pas à la cour un seul magistrat capable de prêter une attention sérieuse à un pareil conte inventé et écrit sous la pression et à l'instigation d'un forçat évadé. Poussez la sottise jusqu'au bout, cependant. Je suis tellement sûr de mon innocence que je ne veux même pas fuir. Avez-vous tout dit ? Demanda Bayard. Oui. Vous vous repentirez de ceci. » Bayard quitta la pièce. En moins d'une demi-heure, Levesen et Franks furent emmenés au poste de police le plus voisin et Bayard resta seul avec Lady Kathleen. J'allai alors trouver Miss Levesen. C'était une mission pénible que de mettre la pauvre dame au courant de cette honteuse vérité. Elle s'était montrée dure, mais du moins n'avait jamais trempé dans le complot de Levesen. Les événements qui suivirent peuvent être narrés en peu de mots. Le matin suivant, de bonne heure, j'emmenai Bayard chez mon propre avocat qui l'engagea à retourner à Hartmore et à se constituer prisonnier. Pendant ce temps, une pétition serait sans tarder présentée à la reine pour obtenir sa grâce. Le pardon fut octroyé en moins d'une semaine, quoique Bayard eût dû subir une courte peine pour son agression contre le gardien et son évasion de Hartmore. Une des affaires sensationnelles des assises d'automne fut celle de Levesen et de Franks. L'intelligent jury qui l'a suivi ne fut pas long à prononcer son verdict. Je ne crois pas être un méchant homme, mais je sais bien que je ne puis m'empêcher de me réjouir quand la sentence fut connue. Levesen et Franks subirent actuellement leur peine à Hartmore. Ils en eurent pour 7 ans. Quant à Lady Kathleen, elle est complètement revenue à la santé et les noces, tant différées, furent célébrées avant la Noël de cette année-là. Ainsi s'achève une affaire de faux par Lily Thomas Meade.